balader dans les dunes, tous les soirs au clair de lune, à la recherche d'un chemin préférable au lendemain. Se souvenir du moment où tout semblait évident, et voir l'espoir s'évanouir alors qu'on croit le saisir. Comme le chemin est encore long à suivre, il faut tenir bon et poursuivre. Chaque nouveau pas est comme une victoire, un sursaut, un espoir permettant un nouveau départ. Se balader un matin, l'espoir à portée de main, se raccrocher à ses rêves, ne pas décréter la trêve, s'allonger sur l'herbe fraîche, enfin colmater la brèche d'un silence assourdissant, d'un souvenir obsédant. Comme le chemin est encore long à suivre, il faut tenir bon et poursuivre. Chaque nouveau pas est comme une victoire, un sursaut, un espoir permettant un nouveau départ. Permettant un nouveau départ.